m'entends toujours, gros, là? Pour les paramètres audio, je sais pas. Je sais pas où aller. Ça fait chier. Dans option. Attends, je regarde dans option. Hein. J'ai edit, cut, copy, paste and match style, fine. Voilà. Ah, de mon PC? Ah, attends, ouais, je vais regarder. Non. Préférence système, ok. Ah, nous avons quoi, CDM? Ah, son. Je clique dessus. Alors, nous avons quoi? C'est en sortie. Ah, du logiciel. Ok, alors je vais regarder. Mais en fait, j'ai pas grand-chose comme option dessus, Guillaume. Hein. J'ai File, Edit et Window. Bring Alt.